sens mal. Je ne visage pâle quand je la vois. Tout s'emballe et je bois pour mener mes batailles. Et pourtant je la vois chaque jour emmenée au loin, un espoir toujours. Et quand la flamme l'emporte à ma porte, je la dézingue jusqu'au prochain dingue. Car hormis un, je la vois au coin de chaque ruelle. Pourtant, je la vois chaque jour emmener au loin mon espoir toujours. Parfois, un crime passionnel, ou encore vengeance solennelle. C'est cette belle qu'on appelle, c'est cette belle qu'on appelle.